Bonsoir à tous, fidèles auditeurs de la Radio Sanganilo et bienvenue à cette édition de la soirée dont voici d'abord les grands titres. La grève des agents et super-agents de l'IMICACH qui était prévue au 1er novembre est suspendue. C'est le contenu d'un communiqué conjoint de la BRB et la RCT. Les fêtes tricolores sur certaines routes de la ville de Bujumbura sont à nouveau fonctionnelles. Les usagers de ces routes sont satisfaits. Les usagers du boulevard Général Adolphe Nshimirimana demandent la réhabilitation de cette route. Et voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonsoir. Les agents et les super-agents de l'IMICACH sont appelés à suspendre le mouvement de grève prévu à partir du 1er novembre 2021. C'est dans un communiqué conjoint sorti ce vendredi par la Banque de la République du Burundi, BRB, et l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications, RCT. Il précise que des réunions vont être organisées à l'intention des super-agents et agents pour trouver solution à leurs problèmes. Les détails avec Didier Nyonzim. Dans son communiqué sorti ce vendredi 29 octobre 2021 par la Banque de la République du Burundi, BRB, et l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications, RCT, après la visite des responsables de ces institutions au siège de la compagnie de télécommunications Limitel, ils ont demandé aux représentants de Limitel d'organiser des réunions en l'intention des super-agents et agents pour donner une orientation précise de leurs problèmes. À se basant sur les résultats des pour parler, Audace Nyonzima, premier vice-gouverneur de la BRB, et Samuel Mohizi, directeur général de la RCT, rassurent le public en général et les clients en particulier que les services de l'UMICACH vont continuer à être offerts normalement. Ils appellent tous les super-agents et agents à continuer à offrir les services de l'UMICACH jusqu'à nouvel ordre, tout en précisant que tout super-agent et agent qui refuserait intentionnellement d'adhérer au contenu du présent communiqué sera sanctionné conformément aux lois et règlements en vigueur. Les super-agents et agents qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro indiquent qu'ils sont satisfaits du contenu du communiqué de la BRB et la RCT. Les super-agents et agents de l'UMICACH avaient annoncé jeudi le 28 octobre la suspension de leur travail à partir du 1er novembre 2021 suite au nouveau contrat exigé par leur partenaire Limitel qui était émaillé de certaines irrégularités comme le non-remboursement de l'argent dans le cas d'erreur d'opération ou de vol. Merci Didier Nyonzim. Le Conseil des ministres tenu mercredi a adopté le projet de loi portant statut des anciens combattants. Ce projet vient répondre aux soucis d'un manque de cadre légal régissant cette catégorie. Depuis le processus d'intégration, le secrétaire général de l'État, Naogwa Miye, porte-parole du gouvernement, a indiqué que le dit projet définit celui qui est réellement appelé ancien combattant et précise ses droits et obligations. On l'écoute. Le décret portant mission et organisation du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants assigne à son ministère des missions spécifiques relatives aux anciens combattants. En vue d'exécuter ces missions, le ministère s'est doté d'une direction générale des anciens combattants. Bien que son ministère gère les anciens combattants depuis le processus d'intégration, aucun cadre légal régissant ces derniers n'a été élaboré jusqu'à ce jour. Ce projet vient répondre à ce souci. Définit l'ancien combattant qui est toute personne membre des ex-forces armées burundaises FAB ou ex-parti et mouvement politique armé PMPA, ayant cessé son service d'une façon régulière et ou ayant été démobilisé, et précise ses droits et ses obligations. Après analyse, le projet a été adopté avec, entre autres recommandations, d'enrichir la note de présentation par l'état des lieux des anciens combattants et revoir la définition de l'ancien combattant. Page société de cette édition, les usagers de certaines routes dont la chaussée du peuple Murundi, passant devant l'ex-hôtel et le nouveau hôtel, disent être contents du fonctionnement du nouveau défait tricolore. Ils évoquent que depuis le mois de juin, ça ne fonctionnait pas sur certaines routes et demandent le suivi régulier du fonctionnement de ces faits, lesquels contribuent à la réduction des accidents routiers hors la mouche. Les feux tricolores sont à nouveau opérationnels sur certaines routes situées en commune Mukadza, partant de l'exemple des feux qui sont près de la station Kingstar Buiza. Un des conducteurs des taxis-voitures dit que lors de la panne de ces feux, la circulation routière était mal gérée, ce qui créait de l'embouteillage et même des accidents. Je suis vraiment très ravi qu'ils sont à nouveau fonctionnels. Avant, on était déjà habitué à la circulation bien ordonnée. Mais lors de la panne, c'est difficile de céder le passage, par exemple, entre une voiture venant de Buyenzi ou du rond-point Nahangwa. Ça criait alors de l'embouteillage. Un autre exerçant ses activités près de la chaussée du peuple Mulundi trouve que le fonctionnement rétabli de ces feux revient mettre de l'ordre après presque 3 mois de panne. Cela faisait presque 3 mois que ça ne fonctionnait plus. La régulation et la circulation étaient vraiment trop difficiles. Mais maintenant, c'est bien ordonné et ça rentre même dans le sens du développement. Mon souhait est que ça reste ainsi. Ces feux de signalisation sont aussi à nouveau fonctionnels à d'autres endroits comme près du siège de la BCB, près de l'ex-grenier du Burundi, mais aussi sur le rond-point situé près de la Bankobu siège. Merci Ornella Mucho. Toujours dans le pays société, les usagers du boulevard général Adolphe Nshimilimana s'inquiètent de son impraticabilité. Selon les taxis vélos qu'ils utilisent, ils perdent leurs clients qui craignent d'accidents suite au nid de poule dans cette route et demandent la réhabilitation de cette route. Les reportages Omer Douayo. La partie de cette route est la plus menacée et celle se situant entre la station Interpétrole près de l'église Bonberger et sa jonction menant vers la Sodeco à quelques mètres du cercle des officiers de police à partir de la station jusque sur la route vers Ngagara. En face du terrain de football du Centre technique national, la route n'est plus goudronnée, alors que la partie se trouvant entre ce centre et la jonction dite Sodeco est beaucoup plus menacée par des nids de poules. À part des véhicules passant par cette route qui tombe parfois en panne, les taxis vélos indiquent que leurs clients préfèrent le transport à bord des véhicules motorisés au lieu de prendre un vélo, de peur d'être secoués. Cette route ne nous facilite pas. Nous qui conduisons les bicyclettes, nous sommes très secoués dans les mains. Quand on passe par un nid de poule, le client crie. Il y en a qui préfèrent aller à pied et d'autres préfèrent le transport à bord de bus au lieu de prendre un vélo. L'état de cette route fait que nous ne trouvions pas de clients car ils ont peur de ces courses. Ça déstabilise notre métier. Les clients aussi se lamentent de l'impraticabilité de cette route. Cette route ne nous facilite pas. Quand on achète des tomates, on arrive à destination avec des tomates abîmées. Les côtes fatiguées à cause de l'impraticabilité de cette route. Ils demandent que cette route soit réhabilitée. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 18h10 dans l'Institut de la radio Isanganiro page agriculture, les coticulteurs de la localité de Rukana, c'est en province de Chibitoke, grognent qui ne sont pas encore payés après la vente de leurs cotons du mois d'août. Ils affirment que plus de 700 ménages ne sont pas encore payés au sein de la compagnie de gérance Ticoteco-Gerco en sigle. Le directeur général de cette institution, Gustave Madjambele, tranquillise que la situation est connue, qu'au cours de la semaine prochaine, l'air de l'Alliance va avoir une solution. Alexis Dailagic. Il demande plus de 100 millions à la compagnie de gérance du Coteau-Gerco en sigle. Ils sont les coteaux-culteurs de la localité de Rukana, de la commune Rugombo, de la province Chibitoke. Ces coteaux-culteurs affirment qu'ils ont vendu les cotons au mois d'août et que certains ont été payés, mais les autres en vain. Pour le moment, ils indiquent qu'ils ont du mal à rembourser les dettes pour envoyer leurs enfants à l'école. D'autres précisent qu'il manque de semences alors que c'est la période réservée à la culture de leurs champs. Parmi ces coteaux-culteurs, certains affirment qu'ils ont des convocations des officiers de la police judiciaire concernant leurs dettes envers les tiers. Ils demandent donc à la commune de gérance des coteaux de les payer afin qu'ils puissent honorer leurs engagements. Le directeur général de la COGERCO, Gustave Majambéré, indique qu'il est au courant de cette situation tout en le tranquillisant que le paiement commencera avec la semaine prochaine. Depuis Chibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexine Daïda-Guigé. Tout entrepreneur doit avoir une vision claire de son entreprise, indique Dieudonné Nahimana, fondateur de la fondation Dieudonné Nahimana, dans une conférence d'affaires organisée ce samedi par son fondateur. La vision définie tout dans le domaine entrepreneurial, selon Dieudonné Nahimana, et permet aussi d'atteindre ses objectifs. Reportage de Nicole Nininahatsuke. Sous le thème de développement des entreprises en période difficile, la Fondation d'INF a tenu ce samedi une conférence d'affaires entre jeunes entrepreneurs burundais et ceux qui ont de longues expériences. C'était un moment pour eux d'échanger sur les nouvelles idées pour atteindre la croissance à l'échelle internationale. Selon Dieudonné Nahimana, la vision d'une entreprise est l'élément clé dans le domaine entrepreneurial. La première étape, c'est d'abord la vision. Avoir une idée, avoir une idée, puis savoir comment essayer cette idée jusqu'à ce que tu aies quand même un modèle, un exemplaire que tu peux démontrer à quelqu'un qui a les moyens d'investir. Mais l'argent, c'est la dernière étape. Du côté des participants, cette conférence d'affaires va leur permettre de bien réaliser leur projet d'entreprise. C'était une bonne occasion d'être là pour apprendre. J'ai retenu en grande partie les étapes pour créer un business. En fait, il nous a montré d'une façon simple comment passer d'une idée à une chose palpable. Ça, c'était la chose la plus intéressante. Un mot que j'aimerais adresser aux organisateurs de cette conférence, c'est un mot vraiment de remerciement pour cette première édition. J'espère que bel et bien cette conférence va continuer. Pour continuer avec cette conférence qui est vraiment une occasion pour les futurs entrepreneurs d'avoir des idées, des connexions. Le Burundi est un pays qui peut facilement se développer selon le fondateur de la DNF, Dieudonné Nahimana. Celui-ci appelle les entrepreneurs burundais à bien exploiter toutes les richesses que regorge le Burundi. Merci Nicole Nininahad. Que les moteurs de la province de Bubanza demandent la disponibilisation des auto-écoles pour qu'ils puissent facilement avoir les documents exigés afin d'avoir un permis de conduire. Le directeur du guichet unique dans cette province reconnaît qu'il n'y a pas assez d'auto-écoles, ce qui constitue l'un des défis, car ceux qui veulent un certificat d'auto-école sont souvent obligés d'aller dans d'autres provinces, surtout dans Bujumbura. Page santé, pour clôturer cette édition, le cancer du sein est une maladie qui, une fois diagnostiquée, attend sa traite et guérit rapidement. Ce sont les propos du docteur Césarine Nishimye, présidente de l'Association des femmes médecins du Burundi, lors d'une soirée organisée ce vendredi, afin de sensibiliser les médecins et infirmiers sur le cancer du sein. Césarine Nishimye indique que bien cette maladie affecte toutes les personnes. Les femmes sont les plus affectées car elles se consultent très tardivement. On l'écoute. Normalement, on ne devrait pas assister à un mort au cancer du sein parce que c'est un cancer qui n'est pas, disons, méchant, parce que c'est un cancer qui se guérit complètement quand il se diagnostique tôt et se traite tôt. Malheureusement, ici au Burundi, disons même ailleurs, c'est le cancer où les patients consultent très tard avec déjà métastases. Sinon, normalement, avec une autopalpation qui est fréquente, qui est au quotidien, il devrait avoir juste des petits signes, par exemple, un mamelon entrant, par exemple une couleur de la peau qui a changé, par exemple un écoulement sanglant, par exemple une rougeur au niveau de la peau. Ce sont des signes qui devraient inquiéter le patient avant d'arriver au stade de métastase. J'appelle au gouvernement d'aider le ministère de la Santé à sensibiliser les gens pour que chaque Burundais sache qu'il y a un cancer du sein qui est là. C'est un cancer qui tue silencieusement. Après le gouvernement, j'appelle aux prestataires de la santé de sensibiliser les gens, de sensibiliser les malades. Un autre appel, j'appelle la population burundaise de faire un check-up. Chaque lavin, quand tu réveilles, fait une autopalpation du sang. C'est par ici que prend fin cette audition. Nous vous remercions vous tous qui étiez à l'écoute. Merci à Albin Douaïs pour sa parfaite collaboration technique. Vétain Djimbele qui est au micro, vous souhaite passer une bonne soirée. Tout de suite, la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir. Gitega, Kigali, point d'achoppement ou ligne rouge, titre l'éditorialiste du journal Iwachu. Et c'est pour dire que le Burundi et le Rwanda sont sur la voie de la réconciliation. Son confrère souligne les gestes de rapprochement entre le Burundi et le Rwanda qui se multiplient, comme les réunions entre autorités provinciales ou sécuritaires, remises réciproques de rebelles, etc. Alain Guillaume Bugnoni l'affirme, même en pleine crise de 2015 et 2016, les échanges de malfaiteurs entre les deux pays se sont toujours faits, écrit Ouachou. Pour lui, Kigali doit, en signe de bonne volonté, pousser plus loin. Il doit remettre les putschistes et leurs acolytes qui l'hébergent après le putsch du 13 mai 2015. Une position bien tranchée qu'a réitéré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères le 8 octobre lors d'une émission publique. Aussi longtemps que le Rwanda n'aura pas honoré ses promesses, dont la livraison des putschistes de 2015, les frontières resteront fermées, écrit toujours le journal Iwachu. Selon certaines sources citées par l'hebdomadaire Iwachu, à un certain moment, une relocation de ces putschistes est honnie par Gitega, sous la houlette des organisations internationales et sous-régionales, aurait été envisagée, ce qui permettrait enfin, en tête-à-tête, Kagame Ndayishimiye, et sûrement qu'il faut donner le temps au temps. En attendant, la population des deux pays croise les doigts et espère la fin de la discorde, rapporte le journal Iwachu. Les riziculteurs exploitant le marais hydro-agricole de la Ruvubu, du côté de la commune Muhanga, en province Kayanza, sont recommandés de ne pas procéder au labour ou à la mise en germoire des semences du riz conservées à domicile tant que l'administration communale et les instances habilitées n'ont pas encore donné le signal, rapporte la BP à propos d'une réunion organisée lundi par l'administration communale de Muhanga. De plus, poursuit son confrère, les germoires des semences de riz seront mises en commun, ce qui permettra à tout riziculteur exploitant son marais de bénéficier gratuitement des semences certifiées de riz. De son côté, Burundi Eco rapporte que, suite aux recherches initiées par l'Institut de recherche sur le riz IRI, la filière riz est en train d'enregistrer des avancées notables. Comme l'a indiqué Dr Alexis Ndayiragije lors de l'atelier de présentation des résultats déjà obtenus par l'IRI Burundi dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet régional de développement agricole intégré dans les Grands Lacs, la production du riz va crescendo. Ce confrère écrit qu'elle est passée de 3,5 tonnes par hectare à 5 ou 6 tonnes par hectare. Et note aussi que l'IRI est impliqué comme prestataire de services dans l'exécution de certains projets du gouvernement du Burundi et de ses partenaires, intervient également pour fournir un appui dans la production du riz et du système de riziculture intensif, dans la coopération régionale et dans le renforcement des capacités en riziculture, ainsi que dans la mise au point des technologies rentables et durables. Revue de la presse. La dispense du cours de TIC, Technologie de l'information et de la communication, reste quasiment théorique, déplore le journal La Voix de l'enseignant. Ce journal fait remarquer que les enseignants ne se contentent que de la théorie, notamment à cause du manque d'enseignants qualifiés, d'outils informatiques et de courants électriques. Pour cet hebdomadaire de l'éducation, il s'agit d'un apprentissage tronqué. On termine cette revue de presse avec Net Press qui rapporte qu'un Burundais qui s'appelle Syriac Kaburabugyo a été arrêté aux côtés de deux Rwandais, Désiré Murokozi et Derek Gissa, ainsi qu'un Congolais, Nicodème Bugabo. Ils sont tous accusés de trafic d'ivoire et ont été arrêtés jeudi 28 octobre par le Service national des renseignements rwandais. Ils sont gardés à vue dans les cachots du service de la police présidentielle 6 dans la capitale rwandaise Kigali. Et son confrère précise que Désiré Murokozi est employé de la CINELAC et utilisait le véhicule de diplomate pour faire entrer ses ivoires sans être inquiété par la police rwandaise pour des raisons d'immunité diplomatique. Il se rendait donc dans la ville de Kigali où il vendait ses ivoires. Mais son véhicule non fouillé transitait par la région de Gisenyi, au nord-ouest du Rwanda. D'après son confrère en ligne, Syriac Kaburaburyo est sur le point d'être extradé sur Bujumbura pour qu'il soit jugé par la justice burundaise. Ainsi se termine cette revue de presse préparée et présentée par Mireille Kanyange et Jean Bosco Nduwimana. À la prochaine.